Les petites histoires de Telming. Aujourd'hui, Karine et Arnaud vont vous raconter la première partie d'une étrange pluie noire. Une histoire écrite par Véro Cazot. Crat, crat, crat, crat, crat, crat. Depuis que le mariage de sa grande sœur Agathe a commencé, Ruby n'arrête pas de se gratter. Sa mère, qui ne supporte pas les petits bruits énervants comme les mâchouillages, les reniflages, les toussotages, les gargouillages et les gratouillages, lui demande sur le champ d'arrêter et de se tenir tranquille. Oh, j'aimerais t'y voir. C'est très difficile de pas se gratter quand ça gratte. Ça se passe dans ta tête, Ruby. C'est exactement la même matière que ta salopette préférée. Mais pour Ruby, peu importe que son vêtement soit en coton, en lin froissé ou en soie lavée, ou même en plume d'autruche, poil de sanglier ou peau de bébé, ce n'est pas la matière qui la démange, c'est la contrainte. La contrainte de porter cette robe de demoiselle d'honneur et de devoir rester assise pendant des heures. Car la jeune fille est allergique à deux choses, les robes blanches ridicules et l'inactivité. Alors elle se gratte en écoutant d'une oreille distraite les adultes raconter des souvenirs ou des blagues pas drôles aux jeunes mariés. La plupart des invités ont tenu à participer. Et il y a beaucoup, beaucoup d'invités. Comme un signal ou un message d'espoir, Ruby entend un ventre gargouiller derrière elle. Et si elle l'entend, on peut être sûr que sa mère l'entend aussi. Toutes les deux se retournent en même temps vers le ventre coupable. C'est celui de Melvin, un camarade de classe de Ruby, qui a toujours très faim quand il s'ennuie. Ruby sait qu'à partir de là, sa mère est trop contrariée pour réfléchir. La voilà, son échappatoire. Tu permets que je sorte donner un petit four à Melvin? Ces gargouillis dérangent tout le monde. D'accord, mais juste un petit four. Hein. Vous revenez vite et vous ne touchez à rien. Promis, mais on restera derrière pour ne pas vous déranger. Merci, ma fille. Ruby fait signe à Melvin de venir manger et celui-ci la suit sans hésiter. Il quitte la cérémonie en se faufilant parmi les nombreux villageois entassés dans la mairie. Enfin dehors, il respire à plein poumon, bras grands ouverts, comme s'ils avaient tous les deux manqué d'air. La vallée est calme et complètement déserte. Tout le village a été invité au mariage. De grandes tables ont été dressées dans la prairie, avec des nappes blanches, des fleurs et de la belle vaisselle. Melvin se dirige droit vers les petits fours et la pièce montée. Comme elle est belle! Tu crois qu'on peut la goûter? Ah non, j'ai promis de toucher à rien. Alors tu prends un ou deux petits fours et on va jouer. Bah, on retourne pas au mariage de ta sœur? Personne ne le remarquera. Il fait si beau et j'ai besoin de me dégourdir les jambes et de prendre des couleurs pour compenser cette vilaine robe blanche. Elle est pas blanche, hein, elle est, crème chantilly. Non, crème pâtissière. Bah, si tu le dis. Bon, alors à quoi on joue? Cache-cache, chat perché, saut de bouquetin? Je préfère rêvasser au soleil en surveillant la pièce montée. Qu'est-ce que tu veux qu'il lui arrive à la pièce montée? Elle va pas s'envoler, hein. On a au moins 2 heures de liberté. Moi, je vais me promener. D'accord, attends-moi. Plouc. Le bruit d'une goutte de pluie détourne soudain leur attention. Plouc. Une goutte noire rebondit sur le sommet de la pièce montée. Melvin se précipite pour la protéger avec son chapeau, qui prend 2 gouttes à son tour. Plic, plouc. Ruby regarde avec de grands yeux effarés des petits points noirs apparaître sur sa robe blanche. Plic, plouc, plic, plouc. Les deux amis lèvent les yeux. Le ciel est parfaitement bleu, à l'exception d'un minuscule nuage noir qui flotte au-dessus de leur tête et s'égoutte sur leurs vêtements jusqu'à disparaître complètement. Qu'est-ce que c'était? Juste une averse. Ah, t'as déjà vu de la pluie noire, toi? Melvin regarde de plus près les taches sombres sur sa chemise et sur la robe de Ruby. À vrai dire, c'est plutôt bleu foncé. Non, violet. Ah, si tu crois que ma mère va faire la différence, tache noire, bleue ou violette, je vais me faire passer un de ces savons. Melvin pouffe de rire. Le savon pourra peut-être détacher ta robe. Ruby ne rit pas, mais son visage se détend un peu. T'as raison, on va aller chez moi nettoyer ces quelques taches. Elles sécheront vite au soleil et tout rentrera dans l'ordre. Bonne idée. Ploc. Une nouvelle goutte noire est tombée sur la grande table du buffet. Un autre nuage vient d'apparaître. Un peu plus gros et tout aussi mystérieux que le premier. Plic, ploc, plic, ploc. Oh là là, les feuilletés sont tout mouchetés. Vite, il faut tout mettre à l'abri. Ruby et Melvin se dépêchent de mettre la vaisselle et tous les plateaux de victuailles sous les tables. Cette fois encore, le nuage s'évapore au bout de quelques longues secondes. Mais un autre nuage passe au-dessus de leur tête et pleut à grosses gouttes sur les toits du village. Ruby aperçoit alors au loin tout un troupeau de nuages noirs bien dodus voler dans leur direction. « Oh, qu'est-ce que c'est que ce bazar ?» Melvin est effrayé. « C'est le ciel qui nous punit de ne pas assister au mariage !»« Le ciel est tout bleu ! Je suis sûre qu'il y est pour rien ! Il doit y avoir une explication !» Oui, ben, dans le doute, on devrait vite rejoindre les autres avant de causer plus de dégâts. Et de se faire injustement accuser? On a les mêmes tâches que la nappe et on est les seuls du village à être dehors. On est les coupables idéales. Ah, y a qu'une chose à faire. Se planquer? Mais non, trouver la cause et arranger les choses. D'accord, mais comment? Suivons les nuages à rebrousse-poil et voyons où ils nous mènent. Mais avant, essayons de limiter les dégâts. Il va pleuvoir de plus en plus fort. Pour protéger le village d'une inondation, Ruby et Melvin mettent tous les contenants qu'ils trouvent, seaux, conteneurs à poubelles, casques à vélo, sous chaque gouttière au coin des maisons. Puis, ils courent en direction de la montagne pour remonter la piste des nuages. Ceux-ci deviennent de plus en plus gros et nombreux, et il devient impossible de slalomer entre les gouttes. Ploc ! La pluie coule sur le nez de Melvin. Il renifle, et l'odeur lui paraît alors familière. Il goûte la goutte et la regoutte. Ah, c'est sucré et légèrement acidulé. Ça lui rappelle... Il a le nom sur le bout de la langue. Alors il forme un puits avec sa main pour recueillir une petite flaque noire, puis il lèche sa main sous le regard dégoûté de Ruby. Bah, tu manges n'importe quoi, hein. Ah, c'est peut-être un poison mortel qui va te faire pousser des boutons dans la gorge et t'étouffer. Mais oui, bien sûr, c'est de la myrtille. De la myrtille, pah. T'es sûr? Mais certain, du jus de myrtille. Non, plutôt de la confiture ou du sirop. C'est délicieux, hein, tu devrais goûter. Ruby tire la langue et attrape une goutte. Ah, c'est vrai que c'est délicieux. Un régal. Melvin, qui n'a plus peur de rien, court à la chasse aux gouttes avec ses deux mains en creux. Mais soudain, il s'arrête tout net et semble se décomposer. De la pluie de myrtille? Mais c'est une catastrophe. Évidemment que c'en est une. Et pourquoi tu dis ça? Il y avait le meilleur coin à myrtille un peu plus haut. Je devais aller faire ma récolte annuelle demain avec papy. Et alors, pourquoi tu parles au passé? Ben, on a appris à l'école que les nuages sont constitués de vapeurs d'eau provoquées par de l'air chaud. Eh ben, on peut donc dire que le ciel est couvert de vapeurs de myrtille. Il a dû faire trop chaud. La myrtille a fini par bouillir et hop, ma récolte est partie en fumée. Il faudrait qu'il fasse 100 degrés pour ça. Si c'était le cas, les fleurs qui nous entourent seraient toutes desséchées, et nous aussi. Tu crois? Mais t'as pas tort pour la vapeur. Il faut creuser cette piste. Tu peux nous guider jusqu'à ton coin à myrtille? Ben, c'est mon coin secret. Papy m'a fait promettre de le garder pour moi. Ah, tu crois que c'est le moment de faire des cachotteries? Regarde, notre village sera bientôt entièrement couvert de sirop de myrtille. Nos belles maisons, notre cour de récré, nos balançoires, les tables du mariage et la belle robe de ma sœur. La pièce montée aussi, hein, et même ton coin à myrtille. Tout va disparaître sous la pluie noire si on ne trouve pas rapidement la source du problème. Ça va, j'ai compris. Je suppose que je peux montrer mon coin secret pour la bonne cause. Ruby et Melvin montent encore plus haut dans la montagne. L'atmosphère devient lourde et inquiétante. Les deux amis se tiennent la main pour se donner du courage. C'est plus très loin. Il faut couper à travers bois, enjamber le ruisseau, longer la grotte de l'ours. La clairière aux myrtilles est juste derrière. La grotte de l'ours? Ah, mais c'est très dangereux de passer là-bas. Mes parents me l'ont toujours interdit. C'est pas ce qui t'arrête d'habitude. Moi, j'y passe tous les étés pour la cueillette et tu vois, je suis toujours vivant. Ah bah, moi, j'y suis allée toute seule une fois et j'ai entendu des grognements bizarres et puis des os craquer. Alors j'ai fait demi-tour en courant et je suis jamais retournée. Hein. Ruby et Melvin serrent un peu plus leurs mains et pressent le pas pour ne pas changer d'avis. Ils coupent à travers bois, sautent par-dessus le ruisseau et ralentissent à quelques mètres de la grotte de l'ours. La peur de Ruby déteint sur Melvin comme la myrtille sur sa chemise. Les deux amis avancent sur la pointe des pieds, tellement tendus que leurs propres os se mettent à craquer. Un grognement résonne dans la grotte. Ils se mettent à courir, courir! Puis Ruby se détend soudain et s'arrête. Elle rebrousse chemin et entre dans la caverne pour en avoir le cœur net. Un gros courant d'air secoue sa robe et ses cheveux. Elle rejoint Melvin en riant. Ah, c'est le vent qui fait grogner la grotte, pas un ours. La bonne humeur est de courte durée. Juste le temps d'arriver à destination. La clairière aux myrtilles n'en a plus que le nom. Melvin est livide. Il examine les arbrisseaux un par un et n'y trouve pas la moindre baie. Les myrtilliers ont tous été ratiboisés. Qui a pu faire ça? On laisse toujours des myrtilles pour les autres, c'est la règle. Ruby trouve alors quelques myrtilles éparpillées par terre. Regarde, on dirait qu'elles forment un chemin. Le ou la coupable a dû en laisser tomber en route. Les coupables, à mon avis. Il faut être nombreux pour ramasser autant de myrtilles. Ruby et Melvin remontent la piste tracée par les baies. Bientôt, ils voient une fumée s'élever un peu plus bas derrière de gros rochers pointus. La fumée produit des tas de petits nuages qui, aidés par la brise, filent en direction du village. Il se dégage dans l'air une forte odeur de myrtilles cuites. Une odeur irrésistible. Melvin, né en avant, court comme si son nez, envoûté par l'odeur sucrée, pouvait lui échapper. Ruby le suit, guidé par la curiosité. Ils trouvent un étroit passage entre les blocs de pierre, s'y faufilent l'un après l'autre, et poussent un cri sans voix. Au cœur d'une petite prairie desséchée et encerclée de rochers, une créature géante, énorme masse courbée en avant, remue avec un manche en bois, une gigantesque marmite de myrtilles. Ruby et Melvin sont terrifiés. Qu'est-ce que c'est que ça? Un ogre, un ours, une géante? On doit faire demi-tour, mais mon nez m'en empêche. Vous, là-bas, approchez. Je ne vais pas vous manger. Qui est cette créature? Que fait-elle avec cette marmite de myrtilles? Que va-t-il arriver à Ruby et Melvin? Vous le saurez en écoutant la seconde partie, qui sera diffusée au début du mois de juin. Voilà, l'histoire est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez-nous 5 étoiles et un commentaire sur votre application de podcast. Et si vous avez des envies ou des idées d'histoire, demandez à vos parents de nous envoyer un email ou un message sur Facebook ou Instagram. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bonjour à vous qui nous écoutez. Vous avez des choses à dire ? N'ayez pas peur et prenez le micro. Que vous aimiez discuter avec des amis ou que vous ayez une envie débordante de partager votre passion ou de développer votre business, faites-vous entendre. Avec Acast, rien n'est plus facile que de lancer son propre podcast. Lancez-le, développez-le et générez des revenus en rendant votre podcast disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Rendez-vous sur acast.com pour vous lancer. Et c'est gratuit.